Du coup, on pose juste une ou deux questions pour vous préciser une ou deux petites choses qui pourraient peut-être intéresser plusieurs personnes. Moi, j'avais envie de repartir un peu sur le point de départ où au début de ta présentation, tu nous décris donc très bien l'objet et ce qui construit ce livre. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi en fait tu as pris cet objet dans une approche philosophique. Au début de l'introduction, tu nous dis on a besoin de réélaborer une philosophie critique de l'entreprise, alors que en fait les seuls philosophes qui s'intéressent à cet objet généralement sont ceux des business schools. Est-ce que tu pourrais nous en dire pourquoi en fait tu as choisi cet objet-là, sachant que l'entreprise a peut-être été moins présente dans la partie là de ton exposé, mais dans les autres chapitres, elle est vraiment centrale. Ouais, l'idée, c'est que l'entreprise, c'est, je pense, l'institution dominante des sociétés contemporaines. Et pour ce qui est, en tout cas, de la philosophie, il n'y a pas grand-chose à en dire. Si vous regardez de quoi on dispose pour penser cette forme-là, c'est maigre. On a des théories de la souveraineté qui datent pour la plupart du XVIIe siècle. On a des théories des autorités théologico-politiques, mais on a peu de théories, encore moins de théories critiques, des autorités corporato-politiques. Et il y a toute une partie dont je ne vous ai pas parlé qui essaye de revenir sur l'histoire des conceptions de l'entreprise avec cette idée que, alors je reprends un thème de ce qu'on appelait le managérialisme des années 50, il était à peu près admis de manière mainstream que l'entreprise c'était un gouvernement privé. Un gouvernement privé qui était donc pensé de façon politique comme un rapport de pouvoir. Et depuis cette période-là, il y a eu une sorte de grands aggiornamento menés par les néolibéraux dans le champ de la théorie économique qui a consisté à faire quoi ? Qui a consisté à déréaliser et à dépolitiser la firme. Pourquoi ? Parce que cette théorie, cette idée selon laquelle les entreprises étaient structurées par des rapports de pouvoir, c'est quand même une idée intuitivement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut contester à ça, et pourtant vous serez surpris parce qu'on dit qu'une entreprise à l'arrière ça n'existe même pas. En tant que quantité, par exemple, ces théories-là, elles avaient suscité des critiques trop nombreuses, elles avaient ouvert trop de brèches. Parce que si l'entreprise, c'est un gouvernement privé, si elle est structurée par un rapport de pouvoir, qu'est-ce qui explique que on ait, dans cette sphère-là, des rapports de type autocratique ? Il y a une contradiction fondamentale, si vous voulez, dans la doctrine du libéralisme politique qui prétend d'une part qu'on vit dans une société dite démocratique, d'un côté, et que c'est ça le principe de la légitimité d'un gouvernement qui serait justifié, et de l'autre, on vit dans le contexte d'autocratie économique qui est en contradiction flagrante avec la matrice de légitimité du libéralisme politique. Et ça, c'était une faiblesse au cœur de la théorie de l'entreprise qui a dû être corrigée. Le mouvement qu'opèrent notamment les activistes pendant la guerre du Vietnam contre le complexe militaro-industriel, c'est de retourner les critiques contre les directions d'entreprise, celles qui produisent du napalm, celles qui produisent des mines antipersonnelles, en disant, en gros, pourquoi est-ce qu'on continue à manifester, à tourner en rond comme des chiens dans une réunion à Washington, alors que les principaux responsables, ce sont aussi des gouvernements privés. Voilà, réactiver contre une déréalisation et une dépolitisation de l'entreprise, ces théories plus anciennes qui permettent d'en penser les rapports politiques et les contradictions, et par ailleurs, dans le texte, essayer de, non seulement d'exposer, mais de réfuter aussi philosophiquement, c'est une histoire critique, ces théories néolibérales de la firme. Ouais, moi, il y a un truc qui fait que je recommanderais ce livre, c'est que c'est l'idée d'un capitalisme qui est contraint de réagir à des mouvements de classe, à des mouvements d'insubordination, etc. Ça me semble une chose tout à fait notable dans ce livre, et qui met en avant une chose qui est fondamentale, à savoir que le néolibéralisme, c'est pas l'absence d'État, c'est un certain État, un État en particulier qui essaye de fabriquer des moments où le choix individuel prévaut sur tout. Enfin, ça c'est une chose qui est notable dans ce livre ou dans la période même. Enfin, ce livre a un petit rapport avec la période, quoi. Je, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce que je comprends pas bien dans ce livre, c'est que je pense qu'il y a, il y a un truc qui n'est pas du tout à jour, et ça, ce n'est pas le problème de ce livre de Grégoire Chamaillou, c'est le problème de beaucoup de livres, sauf quand il raconte des conneries. C'est à quoi le capitalisme est obligé de répondre aujourd'hui, pas simplement en quoi l'ennemi, la trilatérale, Hayek, tous ses amis, les écoles diverses qui ont été citées, etc., avec des très bonnes perles qui ont été exhumées par, par ce livre, en quoi le capitalisme aujourd'hui arrive à triompher de la résistance, et de quelle résistance il s'agit en fait. C'est ça qui manque dans le livre. À mon avis, je dis ça depuis les années 70, entre autres, mais encore aujourd'hui, voilà, non, non, mais il y avait un autre truc que je voulais dire, donc je vais retrouver, non, ok, d'accord, il faut aller vite, allons vite, allons vite. Moi je pense que Grégoire, il n'a pas été tout à fait vite, mais que ce qu'il montre, c'est l'ennemi. Le problème, c'est de savoir ce qui nous constitue, nous, le refus qui fait que le capitalisme continue à avancer. Parce qu'effectivement, ce que montre ce livre, c'est que le capitalisme n'avance que de l'opposition qu'il suscite. Il y a d'autres livres qui montrent ça autrement, par exemple La Horde d'or, par exemple tout un tas de bouquins qui montrent très très bien comment le capitalisme n'avance que des oppositions. Dans quelle opposition sommes-nous aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait avancer le capitalisme de Macron, de Trump, du fasciste brésilien, je ne sais plus comment il s'appelle, du fasciste italien, je ne sais plus comment il s'appelle, etc. Et des autres, et de la défaite de la révolution égyptienne, et de la défaite des printemps arabes, etc. Je pense que c'est ça qui manque un petit peu, enfin, totalement, dans ce livre. Non, oui, réponse. C'est une question qui les rejoint un peu celle de Laurent, mais de manière différente, justement. C'est-à-dire que ton bouquin, en gros, me semble-t-il, non, c'est une sorte de généalogie du, de ce que tu qualifies de libéralisme autoritaire, c'est-à-dire du tournant néolibéral qui prise ses racines dans les années 70 en réponse aux mouvements sociaux et qui se met en place à travers un État fort qui intervient dans plein de domaines sociaux. Donc, ce que tu fais, me semble-t-il, c'est analyser un changement de phase. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'essayer d'analyser, c'est sur ça que que je te poserai la question, sur les passages internes à la nouvelle phase. C'est-à-dire, de ton point de vue, la crise économique de 2007-2008 représente-t-elle une radicalisation, un renforcement, une sorte d'accélération, d'une intensification économique de moyen terme qui était déjà là, ou plutôt, comme cela semble, même en lisant la presse progressiste, un saut des paradigmes. Hein. Et d'ailleurs, aussi la montée de l'extrême droite, 2010, 2011, 2012 en Europe de l'Est, en Inde de 2014, Turquie, Amérique latine, les États-Unis, la Russie de Poutine, maintenant même l'Italie, sont une réponse à la crise de 2007-2008 qui, voilà, annonce quelque chose de nouveau, ou plutôt, comme j'ai la sensation, en t'écoutant, hein, ça me semble. Voilà, c'est une analyse un peu différente. Cela s'insère dans une histoire de moyen terme. Ouais, je crois qu'il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent dans cette période-là. C'est-à-dire que, vraiment, l'idée qui prédomine, c'est qu'on est foutu. Enfin, que le capitalisme, c'est fini. Ils y croient dur comme fer. Et si on prend ça au sérieux, ça veut dire que ce qui a été accordé par eux-mêmes, par leur victoire, c'est un sursis. C'est la thèse de Wolfgang Strack aujourd'hui. C'est-à-dire que la crise de 2008 est l'expression d'un report dans le temps des contradictions, notamment de la crise budgétaire qui a été reversée sur les ménages, qui produit une crise de la dette privée et qui aujourd'hui, dette privée qui encore a été absorbée dans d'autres circuits. C'est-à-dire, si on prend au sérieux ce qu'ils disent, on avait un capitalisme à bout de course qui bénéficie d'une permission et d'un délai, mais que les contradictions sont en train de le rattraper, et de le rattraper du fait précisément de sa victoire. Ce qui avait été théorisé dans cette période-là, c'est que les marchés était un instrument, alors de quoi? De spéculation, de profit, d'accord? Mais plus que ça, un instrument de gouvernance, de gouvernement. Il y a l'idée d'un gouvernement cybernétique des marchés, aussi bien pour s'inféoder la gestion managériale qui allait être gouvernée quasiment mécaniquement par les indicateurs de marché et le réalignement négatif ou positif, soit positif par les stock options ou négatif par le marché pour le contrôle d'un côté, et puis gouvernement des gouvernements d'État par les marchés des obligations et de la dette. Leur utopie, parce qu'il y a une part de foi et de croyance dans leur machin, c'est qu'ils avaient trouvé un instrument de méta-gouvernement. Bon, à l'évidence, on arrive à la limite de ce modèle-là. Moi, je ne suis pas économiste, hein, mais ce que disent les économistes de toute obédience aujourd'hui, c'est que le seul débat qui est entre eux, c'est de savoir à quelle échéance ça va se mettre avec eux. C'est ça l'état des débats. Donc, à mon avis, mais pour te répondre clairement, c'est le prolongement de ça, et j'aurais tendance à penser que le sursis est bientôt terminé. Alors, on revient à l'actualité d'un effondrement et d'une fin. Ce qui impose, alors là, c'est de manière trop générale, mais je pense qu'il faut poser des horizons un peu larges. Je crois que la tâche, alors stratégique, c'est, je ne vais pas vous dire que faire, mais il me semble que ce serait assez urgent de réouvrir un imaginaire post-capitaliste. Pas juste de penser une transition écologique, mais pratiquement et théoriquement de se poser la question d'une transition post-capitaliste. C'est très large, mais ça donnerait de manière ambitieuse et large la question à se poser. Je n'ai pas de réponse, mais cette question-là, elle me paraît importante. Merci beaucoup pour votre présentation qui rassemble beaucoup de pièces d'un puzzle et qui, je trouve, permet de penser des choses très disparates ensemble. Et j'avais deux questions, je vais faire vite. La première, c'est que vous nous présentez finalement un gouvernement des conduites qui a une visée anthropologique forte, qui est de transformer l'homme. Et je n'ai pas lu votre livre, mais je me demande pourquoi vous en restez au sous-titre à un gouvernement autoritaire et pas totalitaire. Et ma deuxième question, c'est qu'il y a une autre révolution anthropologique qui est justement l'écologiste, le mouvement écologiste qui repositionne l'homme aussi au milieu de sa planète. Et j'aimerais savoir comment vous pensez, comment finalement ces deux manières de penser, l'homme se font face aujourd'hui et dialogue ou entre en conflit justement. Sur le premier point, il y aurait une chose intéressante à faire aujourd'hui, ce serait une étude qui reprendrait celle d'Adorno et de ses collègues sur la personnalité autoritaire qui avait été menée dans les années 50 aux États-Unis. Comme programme de recherche, ça me semblerait intéressant. Qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il y a une personnalité autoritaire du sujet néolibéral? Je pense que oui. Et mon hypothèse, ce serait que la pièce centrale, c'est le mépris social. Et que c'est un motif qui est utilisé par toutes les variantes, soit néoconservatrices, néolibérales, soit macroniennes du libéralisme. L'affaire du t-shirt, c'est ça. Il y aurait un motif anthropologique du mépris social, en plus de tout ce que j'ai raconté sur l'intérêt égoïste et compagnie. Mais je crois que ça serait important à chercher, à creuser. Et sur le rapport entre les conduites et l'écologie, alors vous le verrez si vous regardez le bouquin, mais j'explique comment notamment les industriels de la boisson et de l'emballage, Coca et compagnie, regroupés dans des consortiums, ont voulu trouver une manière de répondre au mouvement écologiste qui est menacé d'imposer le retour au système obligatoire de la consigne pour les bouteilles. On prend la bouteille en verre, on la ramène et on récupère les 5 cents qu'on a laissés. Le système qui avait sauté, on a dépassé quasiment une grande part de jetables dans les déchets, dans les emballages pour les boissons. Il y a des mouvements écologistes qui veulent revenir à la consigne obligatoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent une campagne publicitaire, celle de l'Indien qui pleure. On voit un spot, un Indien majestueux sur le bord d'une autoroute qui reçoit un sac poubelle sur les pieds, sur les mocassins, et qui pleure. Qui dit rien, mais qui pleure. Et le slogan, c'est « La pollution, ça commence par les gens. Seuls les gens peuvent y mettre fin. » Et ces gens-là vont promouvoir quoi? Du recyclage et du tri individuel, pas comme complément à une politique de réduction des déchets à la source, mais au contraire comme une alternative à ça. C'est-à-dire la responsabilisation individuelle, on travaille sur les conduites comme arme pour former une agentivité piégée qui ne sera plus, qui va dissocier, qui va opposer, en créant des dilemmes aussi, c'est un gouvernement par le dilemme, qui va opposer faire de la politique où faire son compost. Ce que les mouvements de l'époque opposaient pas du tout. Révolutionner la vie quotidienne et militer et poser des questions politiques, c'était uni. Là, l'idée, c'est de les dissocier. Donc, il y a bien un travail fin sur la question écologiste qui, dont on a hérité sans même le savoir. On trie dans nos cuisines aujourd'hui sans connaître l'origine de la popularisation de ce type d'armes émoussées. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question qui concerne le niveau micro et le niveau macro de la théorie. Alors, en vous écoutant, justement votre concept de gouvernementalité que vous empruntez. C'était pas gouvernementalité. Mais en bref, vous faisiez référence à Foucault au début de votre exposé. Et aujourd'hui, ce qui m'intrigue, c'est que en vous écoutant parler de ces auteurs néolibéraux qui donc ont pensé une théorie micropolitique plutôt, là, la résurgence à gauche, enfin, une résurgence possible d'une théorie, c'est justement la théorie de la souveraineté que Foucault nous avait enjoint à quitter parce qu'elle était incapable de penser les relations de pouvoir. Alors, en vous écoutant, je me demande si qu'est-ce que vous pensez de cette macro-théorie que Foucault jugeait dépassée. Est-ce qu'elle vous semble encore opérante pour penser la réalité de l'État et les leviers dont on disposerait une fois la conquête de l'appareil étatique effectuée, si c'est le cas, bien sûr. Merci. Oui. Ce à quoi vous faites référence en creux, c'est à une proposition stratégique qui est forte aujourd'hui, c'est celle du populisme de gauche, le livre de Chantal Mouffe. Oui, je crois que c'est des schémas, c'est à la fois une lecture gramscienne, smithienne, mais quasiment obscène de la politique. C'est-à-dire qu'il s'agit de reconstituer une sorte de sujet contre-souverain par l'unification d'un peuple. Il faut trouver un principe, un leader, un élément principiel dans lequel on pourrait, par identification symbolique, recomposer un peuple dans un antagonisme du « nous » et du « eux ». Ça, c'est le fond philosophique de la stratégie. Obtient parce qu'il s'agit, je crois, de penser fondamentalement le peuple comme étant unifié par sa représentation. Fût-elle celle d'un leader souverain opposé au souverain. Bon. Alors, est-ce que ça peut marcher? Peut-être, enfin, ces derniers jours, ça n'est pas normal, mais peut-être comme stratégie de prise du pouvoir gouvernemental, mais je crois que ce que je vous ai raconté là tout à l'heure, ça conduit à être sceptique sur les chances de ça tout seul de réussir. C'est-à-dire que la leçon des penseurs néolibéraux, c'est que même de prendre le pouvoir d'État, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas, surtout quand on a mis en place des verrous par le haut, et aujourd'hui, les verrous, on l'a vu en Grèce, sont extrêmement forts et puissants, et ils cadenassent vraiment la politique. Et ça ne suffit pas non plus parce que si ce que je vous ai dit a été mis en pratique, il y a aussi une dissolution micropolitique des capacités de mobilisation subalterne. Moi, ma proposition, ce serait, ou ma question, à partir de là, ce serait, est-ce qu'on peut repérer, ça existe déjà, est-ce qu'on peut repérer, intensifier, penser des micropolitiques communistes qui seront le complément nécessaire de toute tentative pour faire sauter les verrous centraux et par l'eau. Alors, ben, ce lieu-là, c'est déjà un élément de ce genre de choses. Et du coup, quelle forme ça prend? C'est pas simplement... ça ne peut pas être reprendre à l'identique leur manière de penser des micro-choix aveugles qui, par devers eux, créent une réalité qui les dépasse. Ce serait tout le contraire. Ce serait quel monde on veut et quel choix on fait dedans. Ce serait pas de l'individualisation, mais de la formation d'individualité dans la coopération. Ça n'éviterait pas le conflit, mais ça l'intensifierait. Ça ferait la preuve collective qu'ensemble, on est plus fort. Ce serait tout ça, mais ça serait un programme de recherche pratique et théorique fort à mener aussi. Tu as parlé de l'écologie un tout petit peu. Le problème est que l'écologie a perdu politiquement. Nous sommes devenus très gouvernables. Mais le problème est que la température monte, comme vous avez pu constater. Et que ce problème-là, ça va devenir extrêmement grave. Personne ici a une idée claire de ce qui est en face de nous. Le capitalisme a réussi, et nous injectons des trillions de tonnes de dioxyde de carbone tous les ans. Je le fais pour venir ici avec mon scooter. Et vous, vous allez le faire tous les jours et on continue. Et on continue. Malheureusement, la température s'est emballée. Le processus s'est emballé complètement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le mois d'octobre, c'est le plus chaud depuis qu'il y a des enregistrements. Le mois de septembre, il était le plus chaud depuis qu'il y a des enregistrements. Et le mois d'août a une canicule comme on n'avait pas connu depuis 1947. D'accord ? Ça veut dire que la température s'emballe et que stérilise le sol. Le sol va être complètement infertile. Déjà, on l'entend à France Info quand on entend que les pommes de terre et les frites vont être plus petites cette année. La nourriture va commencer à manquer d'ici 5, 6 ans, partout. Déjà, aujourd'hui, les Nations Unies disent que la récolte était catastrophique. Mais personne ne veut l'entendre. La récolte était catastrophique cette année, mais elle va être pire l'année prochaine. Et l'année prochaine, et d'ici 5, 6 ans, on va manquer la nourriture. Je viens de lire un article, une question. Oui, je peux poser une question. Je peux poser la question à tout le monde ici. Ça veut dire quand la nourriture va manquer, est-ce qu'on va continuer à être gouvernable? Ou est-ce que le gouvernement va redevenir, parce que les gouvernements, surtout le gouvernement de Trump et les autres, ont prévu ça. Ont prévu cette catastrophe. Et déjà, on voit le changement politique à niveau mondial de comment est-ce qu'ils vont prendre la situation. Comme ils ont toujours pu le prendre. En assassinant les gens. C'est la seule façon qu'ils ont. Toi, parler de Pinochet, c'était mon pays, le Chili. C'était la première fois qu'on commence simplement à assassiner les gens. Comme ils ont assassiné les gens ici, même à Paris, pendant la commune de Paris. Et ils vont continuer à assassiner les gens. Alors, est-ce que nous, nous sommes comme les moutons qui vont à l'abattoir tranquillement? Ça me semble être le cas. Nous sommes devenus, comme tu dis, gouvernables. Il n'y a pas d'opposition, nulle part. Malheureusement, on n'a plus le temps. Et je voudrais bien que vous réfléchissiez à ces problèmes-là. D'ici 5 ans, 6 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est dans ces ordres-là, la nourriture va manquer. Juste rappeler que en 2016, un des mots d'ordre pendant tout le mouvement contre la loi travail, c'était « Soyons ingouvernables, devenir ingouvernables », qui effectivement rejoignait le titre de ton livre, mais sur l'autre plan plutôt, qui serait celui de notre stratégie. Mais là, comme tu décris l'économie, c'est assez clair à quel point c'est un ensemble d'opérations très politiques, d'opérations de pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on appelle Uber, enfin tous les capitalismes de plateforme, tu sais, il y a énormément de changements qu'il faut arriver aussi à décrypter pour pouvoir constituer un peu notre force de notre côté. Et que devenir ingouvernable devienne un peu une réalité, un peu tangible. Oui, avec peut-être des questions à poser aussi. C'est-à-dire que quand on regarde le terme d'ingouvernabilité, ça a deux sens. C'est-à-dire, c'est un terme assez ancien, en fait. On parle dès le 19e siècle des propriétés de gouvernabilité d'un cheval, d'un dirigeable ou d'un navire. Donc en ce sens-là, c'est une disposition interne à l'objet qu'il s'agit de conduire, c'est plus ou moins maniable, quoi. Transposé à des sujets humains, ça renverrait à une disposition à se laisser faire, à une docilité. Et du coup, l'ingouvernabilité, ce serait la propriété interne opposée, ce serait la rétivité ou l'indocilité. Mais l'ingouvernabilité, c'est aussi une capacité composée. Il n'y a pas simplement cette propriété dans le sujet ou l'objet de se laisser faire, mais il y a aussi la capacité de celui qui veut le diriger, une technique en termes d'art, de tactique à le faire. Donc, est-ce qu'on pose la question simplement au niveau du sujet, c'est-à-dire est-ce que l'objectif c'est se rendre soi-même ingouvernable et donc avoir une sorte de position éthique, ce qu'on dit Foucault, hein, de refus d'être gouverné, du moins pas comme ça, pas par eux, de révolte des conduites, ou alors, et où, ça ne s'oppose pas forcément, mais est-ce qu'on pense la création de situations ingouvernables, où les deux, c'est-à-dire la réactivité subjective et les coordonnées systémiques du gouvernement se mettent à dysfonctionner? Et puis il y aurait une troisième question, c'est quel est l'ennemi? Est-ce que c'est les rapports du gouvernement en ce sens-là, et où, sans forcément les opposer, est-ce que c'est la domination? C'est assez différent de dire on va se rendre ingouvernable dans ce rapport de domination que de dire on veut abolir ces rapports. Et l'ingouvernabilité peut être une tactique, une stratégie pour y arriver ou pas, la question se pose aussi. Et la question fondamentale derrière, c'est celle de Marx qui reprend la question de, en la déplaçant, mais celle de Saint-Simon, c'est pourquoi est-ce qu'il y a du gouvernement? Et sa réponse à lui, c'est il y a du gouvernement stricto sensu, du gouvernement au sens propre. Quand il y a de l'antagonisme, le gouvernement, c'est ce qui est nécessaire à la gestion de l'antagonisme de classe. Et si on veut se supprimer le gouvernement, il faut traiter la question de la domination, l'un étant le pendant de l'autre, et pas quelque chose qui tient tout seul, pas une fatalité inscrite dans tout rapport humain. Le gouvernement des hommes, c'est le corollaire de la domination de classe. Et peut-être ne pas l'oublier, ne pas en faire juste une position éthique, ça pourrait être le danger.